Ciao. Dimanche soir, minuit 1h, c'est Rail Suprême. Oui, c'est parti. Sur Skyrock. Suprême. C'est la nuit qu'il faut que je m'évade. Y'a quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais snowy. Minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Case, ça va. En forme. Toujours. Bon, la semaine dernière, on avait Ahmed qui était là avec nous. Ouais. C'est là le 6 décembre son combat du côté de Charleville. On lui passe une grosse dédicace. On lui souhaite bonne chance une fois de plus. Il nous a laissé des gants de boxe. Vraiment, ah, il est ouais, classe. Il nous a laissé un beau cadeau. Hein. Classe. Bah, d'ailleurs, on va essayer pendant ton mix. Ce soir, qu'est-ce qu'il y a de prévu dans l'émission Case? Du gros lourd. Ouais. Du très très lourd. Très très lourd. Avant la réédition d'ailleurs de la sortie de ton album. Exactement. Ça approche aussi. Oui, en décembre. Ouais. En décembre. Et ben, on suivra ça. Voilà, donc préparez-vous à danser dans les voitures, dans les chichas, à la maison. Et là, on est parti pour une session. Allez, DJ Case au contrôle, c'est parti, c'est le début de Rail Suprême. Dimanche soir, minuit 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Fumé 350 Benji sur les bords de la corniche. Abjini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental. Plus connu que le haït, je m'en bats. Je voudrais passer les aimés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme j'aime Hesley, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre. Fille Boston, ou lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, j'appellerai mercredi. Dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, les fois, ils dansent. I'm

Just take a look into my eyes and you'll see. Yeah, you need to recognize that I got you.

DJ Case. شهود عليا خبر البوليسيه طلع لي المشيره

Serail Suprême en direct sur Skyrock. Allez, bonsoir tout le monde. Allez, c'est comme le gaga, t'es un gaga. Ok, ok. Khatr tout le monde. Yeah.

Jordan, DJ Case. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. T'es invité au mariage du plus vrai et de la plus fraîche. En mode oriental, palace, Dubaï, Marrakech. Bugatti, Bentley dans le cortège. Escorté par la pègre, bébé, que Dieu nous protège. Fuck mon ex et ses sortilèges et le cœur lège. Les anges nous enveloppent, ça vaut ce privilège. Prends ce billet de 500 pour essuyer tes larmes. Ta robe tue, elle est aussi blanche que mon arme. Ton mari vient de la rue, le costard taillé par une lame. On l'appelle déjà monsieur, demoiselle devient une dame. T'es plus une gamine, sape des clubeuses de copine, orgueilleuse poussière à la nicotine. Fais-moi confiance, tiens mon code PIN. Si tu me réveilles pour prier derrière moi, je dirai amin. Tu veux un enfant de moi, faut que t'en restes digne. Pour les jours où notre mariage aura une sale mine. C'est Rail Suprême et c'est déjà la fin. Déjà la fin. Beau mix, belle merci, prestation. Merci, on a pu le voir à travers les messages. Et merci à toi. On va te retrouver évidemment la semaine prochaine. D'ici là, il y aura des soirées pour retrouver DJ Case près de chez vous. Bien sûr, vendredi prochain. Alors, ouais. le 5, voilà, c'est à Montauban. Le samedi 6, à Caen, à l'Omega. Le vendredi 12, au Dreams, à Compiègne. Et le samedi 13, c'est au Miami. C'est à Chartres, donc dans le 28. Et on va aussi en profiter pour souhaiter bon courage à Ahmed El Moussaoui. Ah oui, qui était avec nous la semaine dernière, qui nous a fait Rail Suprême avec nous. Et bien, il sera lui le samedi 6, là, la semaine prochaine. Il sera du côté de Charleville-Mézières pour son combat face à l'Espagnol. Et on lui souhaite bonne chance, on croise les doigts. Tout devrait bien se passer pour Ahmed. Il est en plein entraînement. Là. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, c'est sur ma chaîne Sport à Maté à partir de 21h, je crois, si je ne dis pas de bêtises. C'est bien ça. Merci Case. Allez. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao, c'est reparti le son de Skyrock. Bonne soirée, bonne nuit. Non-stop. Skyrock.